suite de mon journal. Samedi 6 juillet 1895. Toujours cette vie atroce de suspicion, de surveillance continuelle, de 1000 piqûres journalières. Mon cœur bout de colère et d'indignation. Et je suis obligée pour moi-même, pour ma dignité, de ne rien laisser paraître. Dimanche 7 juillet 1895. Les forçats ont enfin terminé leurs travaux. Aussi, hier et aujourd'hui, ai-je lavé mes torchons, nettoyé ma vaisselle à l'eau chaude, ravaudé mon linge qui est dans un piteux état. Mercredi 10 juillet 1895. Les vexations de tout genre recommencent de plus belle. Je ne puis plus me promener autour de ma case. Je ne puis plus m'asseoir derrière ma case devant la mer, seul endroit où il faisait frais et de l'ombre. Enfin, je suis mise au régime des forçats, c'est-à-dire plus de café, plus de cassonade, un morceau de pain de deuxième qualité chaque jour, et deux fois par semaine de 150 grammes de viande. Les autres jours, endobage ou lard conservé. Il est possible que ce nouveau régime comporte aussi la suppression des vivres de conserve que je recevais de Cayenne. Je ne sortirai plus de mon cabanon. Je vivrai de pain et d'eau. Cela durera tant que cela pourra. Vendredi 12 juin 1895. Ce n'est point, paraît-il, la ration des forçats qui m'est délivrée, mais une ration spéciale pour moi. Enfin, cela ne comporte pas la suppression des vivres de conserve que je reçois de Cayenne. Mais peu importe tout cela, ce sont mes nerfs, mon cerveau, mon cœur qui souffrent. Impossible d'aller m'asseoir au seul endroit où il y avait un peu d'ombre dans la journée, où le vent de la mer qui me fouettait la figure faisait écho aux vibrations de mon âme. Même jour, soir. Je viens de recevoir des vivres de conserve de Cayenne. Mais qu'importe la nourriture du corps, le martyre qu'on me fait endurer est effroyable. On doit me garder, m'empêcher de partir. Si tant est que j'en ai jamais manifesté l'intention, car la seule chose que je cherche, que je veux, c'est mon honneur. Mais je suis poursuivie partout. Tout ce que je fais est critiqué, m'attire à suspicion. Quand je marche trop vite, on dit que j'épuise du surveillant qui doit m'accompagner. Quand je déclare alors que je ne sortirai plus de mon cabanon, on menace de me punir. Enfin, le jour de la lumière finira bien par arriver, par venir. Dimanche 14 juillet 1895. J'ai vu flotter partout le drapeau tricolore, ce drapeau que j'ai servi avec honneur, avec loyauté. Ma douleur est telle que la plume me tombe des mains. Il y a des sensations qui n'ont pas de mots pour être exprimées. Mardi 16 juillet 1895. Les chaleurs deviennent terribles. La partie de l'île qui m'est réservée est complètement découverte. Les cocotiers ne s'étendent que dans l'autre partie. Je passe la plus grande partie des journées dans mon cabanon. Et rien à lire. Les revues du mois dernier ne me sont pas parvenues. Et pendant ce temps, que deviennent ma femme, mes enfants? Et toujours ce silence de tombe autour de moi. Samedi 20 juillet 1895. Les journées s'écoulent terriblement monotones, dans l'attente anxieuse d'un meilleur lendemain. Ma seule occupation est de travailler un peu l'anglais. C'est la tombe, avec la douleur en plus d'avoir encore un cœur. Pluie torrentielle dans la soirée, suivie d'une buée chaude et accablante. Fièvre pour moi. Dimanche 21 juillet 1895. Fièvre toute la nuit dernière. Envie de vomir continuelle. Les surveillants paraissent au moins aussi déprimés que moi par le climat. Mardi 23 juillet 1895. Encore une mauvaise nuit. Douleur rhumatismale plutôt nerveuse qui se déplaçait constamment, tantôt intercostale, tantôt se fixant entre les deux épaules. Mais je lutterai aussi contre mon corps. Je vais vivre, voir la fin. Mercredi 24 juillet 1895. Le spleen me prend aussi. Jamais une figure sympathique. Jamais offrir la bouche, comprimer nuit et jour son cerveau et son cœur. Dimanche 28 juillet 1895. Le courrier venant de France vient d'arriver. Mais mes lettres vont d'abord à Cayenne, puis reviennent ici, quoique déjà lues et contrôlées en France. Lundi 29 juillet 1895. Toujours la même chose, hélas. Les journées, les nuits se passent à lutter contre moi-même, à éteindre les bouillonnements de mon cerveau, à étouffer les impatiences de mon cœur, à surmonter enfin les horreurs de la vie. Soir, journée lourde, étouffante, énervante au suprême degré. Mes nerfs sont tendus comme des cordes à violon. Nous sommes dans la saison sèche et cela va durer jusqu'en janvier. Espérons qu'à ce moment tout sera fini. Mardi 30 juillet 1895. Un surveillant vient de partir, accablé par les fièvres du pays. C'est le deuxième qui est obligé de s'en aller depuis que je suis ici. Je le regrette, car c'était un brave homme, faisant strictement le service qui lui était imposé, mais loyalement, avec tact et mesure. Mercredi 31 juillet 1895. Toute la nuit dernière, j'ai rêvé de toi, ma chère Lucie, de nos enfants. J'attends avec une impatience fébrile le courrier venant de Cayenne. J'espère qu'il m'apportera mes lettres. Les nouvelles seront-elles bonnes? A-t-on enfin la piste du misérable qui a commis cet horrible forfait? Jeudi 1er août, midi. Le courrier venant de Cayenne est arrivé ce matin à 7h15. M'apporte-t-il mes lettres et quelques nouvelles? Jusqu'à présent, je n'ai encore rien reçu. 4h30, toujours rien, terribles heures d'attente. 9h du soir, rien ne m'est parvenu, quelle amère déception. Vendredi 2 août 1895, matin. Quelle horrible nuit je viens de passer, et il faut que je lutte toujours et encore. J'ai parfois de folles envies de sangloter, tant ma douleur est immense, mais il faut que je ravale mes pleurs, car j'ai honte de ma faiblesse, devant les surveillants qui me gardent nuit et jour. Pas même un instant seul avec ma douleur. Ces secousses m'épuisent et aujourd'hui je suis brisée de corps et d'âme. Et cependant je vais écrire à Lucie, lui cacher mes douleurs, lui crier courage. Il faut que nos enfants entrent dans la vie la tête haute et fière, quoi qu'il advienne de moi. 7h, soir. Mon courrier était arrivé, on vient seulement de me l'apporter. Toujours rien, mais j'aurai la patience qu'il faut. L'imagination dont je suis la victime doit être découverte, il faut qu'elle le soit. Je saurai souffrir encore. Voici quelques extraits des lettres de ma femme que je reçus le 2 août au soir. Paris, 6 juin 1895. J'attends avec une bien vive anxiété quelques bonnes lettres de toi et des nouvelles qui me rassurent un peu sur ta santé pour laquelle je me fais tant de soucis. Le bateau est arrivé le 23 mai, nous sommes aujourd'hui le 6 juin et ton courrier ne m'est pas encore parvenu. Chaque fois le facteur me donne une nouvelle émotion, émotion bien inutile. Ma pensée n'est que vers toi, ma vie pour toi. Paris, 7 juin 1895. Je viens d'être interrompue en t'écrivant par l'arrivée de tes excellentes lettres. C'est dans ton énergie que je puise des forces, c'est toi qui me soutiens. D'autre part, si je puis vivre séparée ainsi de toi, torturée par tes cruelles souffrances, c'est que mon espoir est immense, ma confiance en l'avenir absolue. Mais je souffre tellement d'être séparée de toi que j'ai adressé une nouvelle demande pour venir partager ton exil. J'aurai au moins le bonheur de vivre de ta vie, d'être auprès de toi, de te témoigner mon immense affection. Je passe des heures à lire et relire tes bonnes lettres. Elles sont ma consolation, en attendant le bonheur de venir te retrouver. Lucie. Quand je vis la situation qui m'était faite aux îles du salut, je ne me fis aucune illusion sur la suite qui serait donnée aux demandes faites par ma femme pour venir me rejoindre. Je compris qu'elle serait constamment repoussée. Suite de mon journal. Samedi 3 août 1895, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ces émotions me brisent. Voir tant de douleurs accumulées si injustement autour de soi et ne rien pouvoir faire pour les dissiper. Samedi 4 août 1895. Je viens de passer 2 heures, de 5h30 à 7h30 à laver mes torchons, mes pantalons de drap, ma vaisselle. Ces efforts me brisent mais me font du bien quand même. Ah, je lutte tant que je peux contre le climat, contre mes tortures. Car je voudrais, avant de succomber, savoir que mon honneur m'est rendu. Mais que ces journées, ces nuits sont longues. Je n'ai pas reçu de revue depuis 2 mois, je n'ai rien à lire. Je n'ouvre jamais la bouche, plus silencieux qu'un trappiste. J'avais fait demander à Cayenne une boîte d'instruments de menuiserie, afin de pouvoir m'occuper un peu physiquement. Ils m'ont été refusés, pourquoi? Encore une énigme que je ne veux pas chercher à résoudre. Je me trouve depuis 9 mois devant tant d'énigmes qui déroutent ma raison, que je préfère éteindre mon cerveau et vivre en inconscient. Lundi 5 août 1895. La chaleur devient terrible et je me sens si brisée, si las de cet effroyable martyre que je supporte depuis 9 mois. Samedi 10 août 1895. Je ne sais jusqu'où j'irai tant mon cœur, mon cerveau me font souffrir, tant ce drame affreux déroute ma raison, tant toutes mes croyances en la justice humaine, en l'honnêteté, au bien, ont sombré devant des faits aussi horribles. Si donc je succombe et que ces lignes te parviennent, ma chère Lucie, crois bien que j'aurai fait tout ce qui est humainement possible pour résister à un aussi long et aussi pénible martyr. Sois alors courageuse et forte, que tes enfants deviennent ta consolation, qu'ils t'inspirent ton devoir. Quand on a la conscience pour soi d'avoir toujours et partout fait son devoir, on peut se présenter partout la tête haute. On doit revendiquer son bien, notre honneur. Lundi 2 septembre 1895. Il y a bien longtemps que je n'ai rien ajouté à mon journal. À quoi bon? Je lutte pour vivre, si horrible que soit ma situation, si broyé que soit mon cœur, car je voudrais voir, entre ma femme et mes enfants, au milieu des miens, le jour où l'honneur nous sera rendu. Mais souhaitons que cela ait un terme, mon cœur est bien malade. Hier, j'ai eu une syncope. Mon cœur a tout d'un coup cessé de battre. Je me sentais partir sans souffrance. Qu'était-ce au juste? Je n'ai pu m'en rendre compte moi-même. J'attends mon courrier. Vendredi 6 septembre 1895, je n'ai toujours pas de lettres. Il n'existe pas de mots pour exprimer un martyr pareil. Heureux les morts. Et être obligé de vivre jusqu'à mon dernier souffle, tant que mon cœur battra. Samedi 7 septembre 1895, je viens de recevoir les lettres. Le coupable n'est pas encore découvert. Quelques extraits des lettres de ma femme reçues à cette date. Paris, 8 juillet 1895. Tes lettres de mai et du 3 juin me sont parvenues. Elles m'ont fait un bien immense. Il me semblait que je t'entendais parler, que ta voix chérie résonnait à mes oreilles. Il me parvenait enfin quelque chose de toi. Tes pensées si nobles et si belles venaient se refléter dans mon esprit. Te dire que je n'ai pas pleuré en recevant ces lignes si impatiemment attendues serait mentir. Mais j'ai vu avec un bonheur immense que tu t'étais ressaisi. Tu es si vaillant que tu nous soutiens tous. Ton exemple nous fortifie dans la tâche que nous nous sommes tracée. J'ai été touchée jusqu'au fond de l'âme de la lettre que tu as écrite à notre Pierre. Lui était enchanté et sa petite physionomie d'enfant s'éclaire quand je lui relis tes lignes. Il les sait par cœur. Quand il parle de toi, il y met toute son ardeur. Paris, 10 juillet 1895. Je viens encore te dire courage et patience. Avec une grande volonté, beaucoup d'énergie, nous surmonterons toutes les difficultés. Nous arriverons à nous rendre maîtres de cet effroyable mystère qui nous a si profondément atteints. C'est mon but, mon unique désir, mon idée fixe, celle de Mathieu, de tous, que de te donner le suprême bonheur de voir ton innocence éclater au grand jour. Je veux arriver à démasquer les coupables d'une infamie pareille, d'une monstruosité sans exemple. Si nous n'étions pas nous-mêmes les victimes d'un si horrible crime, je n'admettrais pas qu'il pût exister des hommes assez bas, assez lâches, assez pervers, pour arracher l'honneur d'une famille qui était fière de son nom intact, pour laisser condamner un officier irréprochable sans que leur conscience au moment décisif ne leur arrache un cri d'aveu. Lucie. Suite de mon journal. 22 septembre 1895. Palpitation de cœur toute la nuit dernière, aussi suis-je bien fatiguée ce matin. Vraiment, l'esprit reste perplexe devant de pareils faits. Condamné sur une preuve d'écriture, voilà bientôt un an que je demande justice. Et cette justice que je réclame, ce n'est pas une discussion sur l'écriture, mais la recherche, la découverte du misérable qui a écrit cette lettre infâme. Le gouvernement a tous les moyens pour cela. Nous ne sommes pas en face d'un crime banal, dont on ne connaisse ni tenant ni aboutissant. Les aboutissants sont connus, donc la lumière peut être faite quand on voudra bien la faire. D'ailleurs, le moyen m'importe peu. C'est là où mon esprit, ma raison se perdent. C'est qu'on n'ait pas encore fait cette lumière, éclairci cet horrible drame. Ah, cette justice que je demande, il me la faut pour mes enfants, pour les miens. Et je resterai debout jusqu'à mon dernier souffle, si horrible que soit mon supplice pour la réclamer. Mais quelle vie pour un homme qui ne place l'honneur de personne au-dessus du sien. La mort, certes, eût été un bienfait. Je n'ai même pas le droit d'y penser. 27 septembre 1895. Un supplice pareil finit par dépasser la limite des forces humaines. C'est renouveler chaque jour les angoisses de l'agonie. C'est faire descendre un innocent ou vivant dans la tombe. Ah, je laisse leur conscience comme juge à ceux qui m'ont fait condamner sur une preuve d'écriture, sans preuve tangible, sans témoin, sans mobile pour faire concevoir un acte aussi infâme. Si encore, après ma condamnation, comme on me l'a promis au nom du ministre de la guerre, on avait poursuivi résolument, activement les recherches pour démasquer le coupable. Et puis, il y a la voie diplomatique. Un gouvernement a tous les moyens nécessaires pour éclairer un pareil mystère. C'est son devoir strict et absolu. Ah, l'humanité avec ses passions et ses haines, avec ses laideurs morales. Ah, les hommes, avec leurs intérêts personnels qui les guident, peu leur importe tout le reste. De la justice, c'est bon quand on a le temps, ou que cela ne gêne pas, ne nuit à personne. Parfois, je suis tellement écœurée, tellement las, que j'ai envie de m'étendre, de me laisser aller, d'en finir ainsi avec la vie, sans y porter atteinte moi-même, car ce droit, hélas, je ne l'ai pas, je ne l'aurai jamais. Ce supplice devient trop horrible, il faut que cela finisse. Il faut que ma femme fasse entendre sa voix, la voix d'innocent qui demande justice. Si je n'avais que ma vie à disputer, je ne lutterais certes pas ainsi, mais c'est pour mon honneur que je vis, et je lutterai pied à pied. Les peines du corps ne sont rien, celles du cœur sont atroces. 29 septembre 1895. Violente palpitation du cœur ce matin, j'étouffais. La machine lutte, combien de temps durera-t-elle encore? La nuit dernière, aussi, j'ai eu un horrible cauchemar, dans lequel je t'appelais à grands cris ma pauvre et chère Lucie. Ah, s'il n'y avait que moi, mon dégoût des hommes et des choses est tellement profond que je n'aspirerais plus qu'au grand repos, au repos éternel. 1er octobre 1895. Je ne sais plus comment traduire mes sensations. Les heures me paraissent des siècles. 5 octobre 1895. J'ai reçu les lettres de ma famille. Toujours rien. Il s'élevait de toutes ces lettres un tel cri d'agonie, un tel cri de souffrance que tout mon être en a été profondément secoué. Aussi, je viens d'adresser la lettre suivante à Monsieur le Président de la République. Accusé, puis condamné sur une preuve d'écriture, pour le crime le plus infâme qu'un soldat puisse commettre, j'ai déclaré et je déclare encore que je n'ai pas écrit la lettre qu'on m'impute, que je n'ai jamais forfait à l'honneur. Depuis un an, je lutte seul avec ma conscience contre la fatalité la plus épouvantable qui puisse s'acharner après un homme. Je ne parle pas des souffrances physiques, elles ne sont rien. Les peines du cœur sont tout. Souffrir ainsi est déjà épouvantable, mais sentir souffrir tous les siens autour de soi est horrible. C'est l'agonie de toute une famille pour un crime abominable que je n'ai jamais commis. Je ne viens solliciter ni grâce, ni faveur, ni conviction morale. Je demande, je supplie qu'on fasse la lumière pleine, entière sur cette machination dont ma famille et moi sommes les malheureuses et épouvantables victimes. Si j'ai vécu, Monsieur le Président, si j'arrive encore à vivre, c'est que le devoir sacré que j'ai à remplir vis-à-vis de tous les miens remplit mon âme et la gouverne. Autrement, j'aurais déjà succombé sous un fardeau trop lourd pour des épaules humaines. Au nom de mon honneur, arraché par une erreur épouvantable, au nom de ma femme, au nom de mes enfants. Ô Monsieur le Président, rien qu'à cette dernière pensée, mon cœur de père, de français, d'honnête homme, rugit et hurle de douleur. Je vous demande justice, et cette justice pour laquelle je vous sollicite, avec toute mon âme, avec toutes mes forces, avec toutes les forces de mon cœur, les mains jointes dans une prière suprême, c'est de faire la lumière sur cette tragique histoire, de faire cesser ainsi le martyre effroyable d'un soldat et d'une famille pour lesquelles l'honneur est tout. J'écris aussi à Lucie d'agir par elle-même, énergiquement, résolument, car ce martyr finira par nous jeter tous par terre. On me dit que je pense plus aux souffrances des autres qu'aux miennes propres. Ah, certes, oui, car si j'étais seule au monde, si je me laissais aller à ne penser qu'à moi, il y a longtemps que ma tombe serait creusée. Ce qui me donne précisément ma force, c'est la pensée de Lucie, celle de mes enfants. Ah, mes chers enfants, mourir, peu m'importe. Mais avant de mourir, je veux savoir que le nom de mes enfants est lavé de cette souillure. Quelques extraits des lettres de ma femme que je reçus en octobre. Paris, 4 août 1895. Je n'ai pas la patience d'attendre ton courrier pour t'écrire. J'ai besoin de causer un peu avec toi, de me rapprocher de ton âme si belle, si éprouvée, et de puiser en toi une nouvelle provision de force et de courage. Paris, 12 août 1895. Enfin, j'ai reçu tes lettres, je les dévore, je les lis, je les relis, avec une avidité insatiable. Quand pourrais-je, par ma sollicitude, par mon affection, effacer complètement en toi le souvenir de ces atroces journées, de cette terrible année qui a tracé dans ton cœur une blessure si profonde? Je voudrais pouvoir tripler mes forces pour hâter ce moment si anxieusement attendu et montrer au monde entier que nous sommes purs de cette boue infâme que l'on nous a jetée à la face. Paris, 19 août 1895. Quand je veux diminuer un peu l'énervement de l'attente, quand je veux atténuer ma fièvre d'impatience, c'est auprès de toi que je viens reprendre du calme, de nouvelles forces. Ce qui me navre, c'est de penser que seul, loin de tous ceux que tu aimes et qui t'aiment, de toute leur âme, tu es en proie à une attente terrible. Tu te tortures l'esprit à éclaircir ce mystère et ton pauvre cœur si bon, ta conscience si droite, ne peuvent croire à tant d'infamie. Lucie. Suite de mon journal. 6 octobre 1895. Chaleur terrible, les heures sont de plomb. 14 octobre 1895. Vent violent, impossible de sortir, journée d'une longueur terrible. 26 octobre 1895. Je ne sais plus comment je vis, mon cerveau est broyé. Ah, dire que je ne souffre pas au-delà de toute expression, que souvent je n'aspire pas au repos éternel, que cette lutte entre mon dégoût profond des hommes et des choses et mon devoir n'est pas terrible, ce serait mentir. Mais chaque fois que je défaille, dans mes longues nuits ou dans mes journées solitaires, chaque fois que ma raison, ébranlée par tant de secousses, se demande enfin comment, après une vie de travail, d'honneur, il est possible que j'en sois là, et qu'alors je voudrais fermer les yeux pour ne plus voir, pour ne plus penser, pour ne plus souffrir enfin, je me raidis dans un effort violent de tout l'être, et je me crie à moi-même, « Tu n'es pas seul, tu es père, tu dois défendre ton honneur, celui de ta femme, de tes enfants. » Et je repars d'un nouvel élan pour retomber, hélas, un peu plus loin, et repartir encore. Voilà ma vie journalière. 30 octobre 1895. Spasme violent du cœur, temps lourd qui abat toute énergie, temps de transition avant la saison des pluies, la plus mauvaise période au ciel à Guyane. Me jettera-t-elle définitivement par terre? Nuit du 2 au 3 novembre 1895. Le courrier venant de Cayenne est arrivé, mais pas de lettre. Je crois qu'il est impossible de se figurer la déception poignante que l'on éprouve quand, après avoir attendu pendant un long mois, anxieusement des nouvelles des siens, rien ne vient. Enfin, il est entré tant de douleur dans mon âme depuis plus d'un an que je n'en suis plus à compter avec les plaies de mon cœur. Cependant, cette émotion que je devrais connaître, tant elle s'est fréquemment renouvelée, m'a tant brisée que quoique je sois levée depuis ce matin à 5h30, quoique j'aie marché au moins 6h pour briser mes nerfs, il m'est impossible de dormir. Quel supplice, et combien de temps durera-t-il encore? 4 novembre 1895, chaleur terrible au moins 45 degrés. Rien de plus déprimant, rien qui use autant les énergies du cœur et de l'âme, que ces longs silences angoissés, sans jamais entendre parole humaine, sans jamais voir figure amie, ou seulement sympathique. 7 novembre 1895. Qu'est devenu le courrier qui m'est adressé? Où s'est-il arrêté? Est-il resté à Paris ou à Cayenne? Autant de questions angoissantes que je me pose presque à chaque heure du jour. Je me demande souvent si je suis éveillée ou si je rêve, tant tout ce qui se passe depuis un an est incroyable, inimaginable. Avoir abandonné son pays, l'Alsace, avoir quitté une situation indépendante au milieu des siens, avoir servi sa patrie avec tout son cœur, toute son intelligence, pour se voir un beau jour accusé, puis condamné pour un crime aussi infâme qu'odieux, sur la foi de l'écriture d'un papier suspect. N'y a-t-il pas de quoi démoraliser un homme à jamais? Mais je suis obligée de résister, de lutter, pour ma chère Lucie, pour mes enfants. 9 novembre 1895. Journée terriblement longue, première pluie, obligée de me confiner dans mon cabanon, rien à lire. Les livres annoncés par la lettre du mois d'août ne me sont pas encore parvenus. 15 novembre 1895. J'ai enfin reçu mon courrier. Le coupable n'est pas encore découvert. Enfin, j'irai jusqu'au bout de mes forces qui déclinent chaque jour. C'est une lutte incessante pour pouvoir résister à cet isolement profond, à ce silence perpétuel, sous un climat qui abat toute énergie. N'ayant rien à faire, rien à lire, en tête à tête avec mes tristes et décevantes pensées. Quelques extraits des lettres de ma femme que je reçus le 15 novembre 1895. Paris, 5 septembre 1895. Que de longues heures, que de pénibles journées nous avons traversées depuis le jour où le malheur effroyable est venu nous atterrer comme un coup de massue. Espérons que nous avons enfin gravi le plus dur de notre calvaire. Nous avons traversé les plus atroces angoisses. Nous avons trouvé en notre conscience la force de supporter le plus pénible des martyrs. Dieu qui nous a si cruellement éprouvés nous donnera la volonté d'accomplir jusqu'au bout notre devoir. Je comprends tes angoisses et je les partage. Comme toi, j'ai des moments terribles où la patience m'échappe, tant je trouve le temps long et les heures d'attente cruelles. Mais alors je pense à toi, au bel exemple de courage et de volonté que tu me donnes, et je puise des forces dans ton amour. Paris, 25 septembre 1895. C'est la dernière lettre que je t'écris avant de t'expédier ce courrier. Je fais des vœux ardents pour qu'il te trouve en bonne santé et toujours fort et courageux. Je ne puis venir te rejoindre, je n'ai pas encore l'autorisation. Pour moi, cette attente est cruelle. Et c'est une amère déception à ajouter à tant d'autres, Lucie. Au bas de cette lettre se trouvaient les quelques lignes suivantes de mon frère, Mathieu. J'ai reçu ta bonne lettre, mon cher frère, et ce m'est une grande consolation et un grand réconfort de te savoir si fort et si courageux. Aie confiance, aie foi, aie confiance. Il est impossible qu'un innocent paye pour un coupable. Il n'est pas de jour que je ne sois avec toi de pensée et de cœur. Mathieu. Suite de mon journal, 30 novembre 1895. Je ne veux pas parler des piqûres journalières car je les méprise. Il me suffit de demander n'importe quelle chose insignifiante, de nécessité banale, au surveillant chef pour voir ma demande aussitôt repoussée. Aussi, je ne renouvelle jamais aucune demande, préférant me passer de tout, n'ayant à m'humilier devant personne. Mais ma raison finira par sombrer sous cet incroyable martyre. 3 décembre 1895. Je n'ai pas encore reçu le courrier du mois d'octobre. Journée lugubre, pluie incessante. Le cerveau se rompt, le cœur se brise. Le ciel est noir comme de l'encre. L'atmosphère embrumée. Vraie journée de mort, d'enterrement. Combien souvent me revient à l'esprit cette exclamation de Schopenhauer, qui, à la vue des iniquités humaines, s'écriait « Si Dieu a créé le monde, je ne voudrais pas être Dieu. » Le courrier venant de Cayenne est arrivé, paraît-il. Il n'a pas apporté mes lettres. Que de douleur. Rien à lire, rien pour échapper à mes pensées. Ni livres, ni revues ne me parviennent plus. Je marche dans la journée jusqu'à épuisement de force, pour calmer mon cerveau, pour briser mes nerfs. 5 décembre 1895. Vraiment, je me demande ce que valent les consciences d'aujourd'hui. Dire qu'il y a des hommes, soi-disant honnêtes, comme le nommé Bertillon, qui ont osé jurer, sans restriction, que du moment où c'était ressemblant à mon écriture, il n'y avait que moi ayant pu écrire cette lettre infâme. Preuve morale ou autre, peu leur importait. Ah, j'espère que le jour où le véritable coupable sera démasqué, s'il reste encore un peu de cœur à ces hommes-là, ils trouveront encore une balle de pistolet pour se la loger dans la tête, pour se faire justice à eux-mêmes d'avoir fait souffrir un pareil martyr à un homme, à toute une famille. 7 décembre 1895. Ah, j'en ai souvent assez de cette vie de suspicion continuelle, de surveillance ininterrompue, ni de jour ni de nuit, traitée en bête fauve comme le plus vil des criminels. 8 décembre 1895. Les névralgies de la tête augmentent chaque jour et me font atrocement souffrir. Quel martyr de toutes les heures, de toutes les minutes. Et toujours ce silence de tombe, sans entendre voix humaine. Une parole sympathique, un regard ami, apporte quelquefois un léger baume aux plus cruelles blessures et en endorme pour un temps les cuisantes douleurs. Ici, rien. 9 décembre 1895. Toujours pas de lettres, elles sont probablement restées à Cayenne où elles traînent pendant une quinzaine de jours. Le courrier a passé sous mes yeux venant de France le 29 novembre et depuis ce moment les lettres doivent être à Cayenne. Même jour, 6 heures, soir. Le deuxième courrier venant de Cayenne est arrivé aujourd'hui à 1 heure. M'apporte-t-il cette fois mon courrier et quelles sont les nouvelles? 11 décembre, 6 heures, soir. Pas de lettre. Mon cœur est labouré, déchiré. 12 décembre 1895, matin. Mon courrier n'est effectivement pas arrivé. Où est-il resté? J'ai fait télégraphier à Cayenne pour le demander. Même jour, soir. Mon courrier est resté en France. Mon cœur me fait souffrir comme si on le labourait à coups de poignard. Oh, cette plainte incessante de la mer, quel écho à mon âme ulcérée. Une colère si sourde et si âpre envahit parfois mon cœur contre l'iniquité humaine que je voudrais m'arracher la peau pour oublier, dans une douleur physique, cette horrible torture morale. 13 décembre 1895. On finira certainement par me tuer à force de souffrance ou par m'obliger à me tuer pour échapper à la folie. Je laisserai l'opprobre de ma mort au commandant du Paty, à Bertillon, à tous ceux qui ont trempé dans cette iniquité. Chaque nuit, je rêve à ma femme, à mes enfants, mais quel terrible réveil. Quand j'entr'ouvre les yeux, que je me vois dans ce cabanon, j'ai un moment d'angoisse tellement horrible que je voudrais fermer les yeux à jamais pour ne plus voir, pour ne plus penser. Soir, spasme violent du cœur, nombreux étouffements. 14 décembre 1895. Je demande à prendre un bain, ainsi que j'y étais autorisée sur la demande du médecin. Non, me fait répondre le surveillant-chef. Quelques instants après, il y allait lui-même. Je ne sais pourquoi je m'abaisse à lui demander quoi que ce soit. Jusqu'à présent, je ne renouvelais aucune demande. Dorénavant, je n'en ferai plus. 16 décembre 1895. De 10h à 3h, les heures sont terribles et rien pour faire diversion à mes décevantes pensées. 18 décembre 1895. Cher petit Pierre, chère petite Jeanne, chère Lucie, comme je vous vois tous les trois par la pensée, comme votre souvenir me donne la force de tout subir, de tout supporter. 20 décembre 1895. Aucune avanie ne m'est épargnée. Quand je reçois mon linge lavé à l'île Royale, on le déplie, on le fouille de toute façon, puis on me le jette ainsi qu'à un vil criminel. Chaque fois que je contemple la mer, me revient le souvenir des bons et heureux moments que j'y ai passés avec ma femme, avec mes enfants. Je me vois promenant mon petit Pierre sur la plage, jouant et gambadant avec lui, faisant de beaux rêves d'avenir pour lui. Puis me revient l'horrible situation présente. L'infamie jetée sur mon nom, sur celui de mes enfants. Mes yeux se troublent, le sang afflue au cerveau, le cœur bat à se rompre, l'indignation s'empare de mon être. Il faut que la lumière soit faite, il faut que la vérité soit découverte, quel que soit notre supplice. 22 décembre 1895. Toujours aucune nouvelle des miens, le silence de tombe. Quelle nuit épouvantable je viens de passer. Ces allées et venues durant la nuit des surveillants dans le poste. Les lumières qui passent et repassent alimentent mes cauchemars. 25 décembre 1895. Hélas, toujours la même chose, pas de lettres. Le courrier anglais a passé il y a 2 jours. Mes lettres ne sont probablement pas encore arrivées, car je pense que sans cela on me les eût remises. Que penser, que croire? La pluie tombe en permanence. Pendant une éclaircie, je sors pour me détendre un peu. Il tombait encore quelques gouttes d'eau. Le chef arrive et dit au surveillant qui m'accompagne: il ne faut pas rester dehors quand il pleut. Dans quelle consigne est-ce écrit? Mais je dédaigne de répondre, tant je me place au-dessus de toutes ces petitesses, de toutes ces mesquineries journalières. Nuit du 26 au 27 décembre 1895. Impossible de dormir. Dans quel cauchemar vis-je depuis bientôt 15 mois et quand prendra-t-il fin? 28 décembre 1895. Quelle profonde lassitude, mon cerveau est broyé. Que se passe-t-il? Pourquoi les lettres du mois d'octobre ne me sont-elles pas parvenues? Oh, Lucie, si tu lis ces lignes, si je succombe avant le terme de cet effroyable martyre, tu pourras mesurer tout ce que j'ai souffert. Dans les nombreux moments où je défaille, dans ce profond dégoût de toute chose, 3 noms que je murmure tout bas me réveillent, relèvent mon énergie et me donnent des forces toujours nouvelles. Lucie, Pierre, Jeanne. Même jour, 11h du matin. Je viens de voir passer le courrier venant de France, mais hélas, mes lettres vont d'abord à Cayenne. Enfin, j'espère que le premier courrier venant de Cayenne me les apportera, et que j'aurai enfin des nouvelles de ma chère femme, de mes enfants, des miens, que je saurai si l'énigme de cette monstrueuse affaire est résolue, si j'aperçois enfin un terme à cet effroyable supplice. Dimanche 29 décembre 1895. Quelle bonne journée je passais le dimanche au milieu des miens, à jouer avec mes enfants. Mon petit Pierre a maintenant tout près de 5 ans, c'est presque un grand garçon. J'attendais avec impatience ce moment pour l'emmener avec moi, causer avec lui, ouvrir sa jeune intelligence, lui donner le culte du beau, du vrai, lui faire une âme tellement haute que les laideurs de la vie ne puissent l'entamer. Où est tout cela et cet éternel pourquoi? 30 décembre 1895. Le sang me brûle la peau, la fièvre me dévore. Quand donc ce supplice finira-t-il? Même jour, soir. Mes nerfs me font tellement souffrir que je crains de me coucher. Ce silence de tombe, sans nouvelles depuis 3 mois des miens, sans rien à lire, m'écrase et m'accable. Il me faut rassembler toutes mes forces pour résister toujours et encore, murmurer tout bas ces 3 noms, mon talisman, Lucie, Pierre, Jeanne. 31 décembre 1895. Quelle horrible nuit, des rêves étranges, des cauchemars absurdes suivis d'abondantes transpirations. J'ai vu arriver ce matin, aux premières heures du jour, le bateau venant de Cayenne. Depuis ce matin, je suis dans une anxiété étrange. Je me demande à chaque instant si j'ai enfin des nouvelles des miens. Et le cœur bat à se rompre dans cette attente angoissée.